J'arrive poubelle perdue dans une mer déchaînée. Sous l'effet de la houle commence à traîner. Mayday, mayday, à deux doigts de couler. Déjà trop tard, c'est avant qu'il faut s'inquiéter. L'or noir commence à couler à flot. C'est peut-être pas nouveau mais encore une fois de trop. Et qui fera l'effort de se baisser encore pour ramasser par belle vos putains de poubelles. On ira tous en chier quand même, car cette terre en vaut bien la peine. Malgré le vent, malgré la tempête, nous balayerons la mer de notre planète. On le fera sûrement pas pour vous, ni pour une médaille, ni pour un sou. Croyez-le ou pas, malgré vos avocats, un beau jour on vous le rendra. L'idée du pollueur-payeur, utopie qui nous plaît bien, mais nous ne sommes pas assez fous. Croire en tous vos baratins, à chaque fois c'est pareil. Un peu d'émotion télévisée, mais quelques paroles en l'air devraient suffire à nous calmer. On ira tout torcher quand même, car cette terre en vaut bien la peine. Malgré le vent, malgré la tempête, nous balayerons la mer de notre planète. On le fera sûrement pas pour vous, ni pour une médaille, ni pour un sou. Croyez-le ou pas, malgré vos avocats, un beau jour on vous le rendra. Torcher quand même, car cette terre en vaut bien la peine. Malgré le vent, malgré la tempête, nous balayerons la mer de notre planète. On le fera sûrement pas pour vous, ni pour une médaille, ni pour un sou. Croyez-le ou pas, malgré vos avocats, un beau jour on vous le rendra.